jeudi 11 octobre, des loups féroces. Lisez Acte 20, les versets 25 à 31. Contre quoi l'apôtre Paul a-t-il mis en garde les anciens d'Éphèse? Que devait-il faire pour empêcher que cela n'arrive? Au cours de son ministère, Paul dut souvent affronter l'opposition et il savait que ce serait difficile de préserver la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Dans son adieu aux anciens d'Éphèse, il s'inspire de l'analogie du guetteur d'Ézéchiel 33, les versets 1 à 6, pour dire aux anciens, comme lui, qu'ils étaient également responsables de la sauvegarde de l'Évangile. Ils devaient être de fidèles bergers de leurs assemblées. Paul emploie l'expression « des loups féroces » pour décrire les faux docteurs. Elle rappelle l'avertissement similaire de Jésus, de faux docteurs se déguiseraient en moutons. Ces faux docteurs apparurent peu après cet avertissement de Paul et ils s'en prirent aux croyants des églises d'Asie qu'il avait établies. Dans Éphésiens 5, les versets 6 à 14 et Colossiens 2 au verset 8, nous voyons une partie des avertissements de Paul aux églises d'Asie mineure. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul met également en garde Timothée, qui est responsable de l'église à Éphèse, contre les erreurs qui s'introduiront dans l'Église et l'impiété qui régnera dans les derniers jours. Lisez 2 Timothée 2, les versets 14 à 19 et 3, versets 12 à 17. Que dit Paul à Timothée sur la manière de contrer les faux docteurs et de préserver l'unité de l'Église? D'abord, Timothée connaissait sa Bible qui dispense avec droiture la parole de la vérité. L'antidote à ces disputes et à ces spéculations inutiles, c'est la compréhension et l'enseignement correct de la parole donnée par Dieu. Les vérités bibliques doivent être correctement interprétées, de sorte qu'aucune partie des Écritures ne soit mise en opposition avec le tableau d'ensemble présenté dans la Bible, et également pour prévenir les interprétations erronées qui peuvent nous faire perdre notre foi en Jésus. Les questions futiles ou secondaires doivent être soumises aux principes de Dieu qui prépareront véritablement les croyants à vivre une vie victorieuse en Christ. La deuxième recommandation de Paul est pour Timothée lui-même, pour qu'il évite les discours vides et profanateurs. Les sujets sans importance et spéculatifs ne doivent pas faire partie du ministère d'enseignement de Timothée s'il veut être considéré comme un ministre digne et fidèle de l'Évangile. Ces types de conversations n'aboutissent qu'à davantage d'impiété et n'édifient pas la foi des croyants. Seule la vérité conduit à la piété et à l'harmonie parmi les croyants. La raison pour laquelle Timothée doit éviter et exhorter son peuple à éviter de telles erreurs, c'est qu'elles se répandent dans l'Église comme une maladie. En fin de compte, l'obéissance à la parole de Dieu est l'antidote aux faux enseignements qui peuvent menacer l'unité de l'Église. Comment, en tant qu'Église, pouvons-nous nous prémunir de ce genre de personnes qui, par l'intermédiaire de faux enseignements, peuvent causer des divisions parmi nous ?